Alors, tu déposes Emilie au poney, t'emmènes Martin à l'anniversaire, tu reviens à la maison pour la livraison, tu vas chercher Croquette chez le véto, Oui. Citroën IC4 électrique, c'est jusqu'à 420 km d'autonomie. Waouh. À partir de 199€ par mois, avec borne de recharge offerte. Portes ouvertes ce week-end. LLD 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 9 500€ ramené à 0€, aide détail prime à la conversion déduite selon décret du 30 décembre 2022, offre à particulier jusqu'au 30 septembre, c'est acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Pensez à covoiturer. France Inter. Bonjour, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 1883, avec Richard Burton, l'Angleterre victorienne découvre le Kama Sutra. Richard Francis Burton est un des Anglais les plus fascinants du 19e siècle. Tour à tour et en même temps militaire, engagé en Afghanistan et en Inde, explorateur, parti rechercher les sources du Nil, c'est lui qui découvre le lac Tanganyika, espion, il réussit à entrer à la Mecque déguisé en pèlerin. Richard Burton, d'une insatiable curiosité, a passé sa vie à parcourir le monde, non pour le conquérir, mais pour tenter de comprendre les sociétés humaines. Car cet Anglais à la réputation sulfureuse, un diable d'homme, disait-on, en rupture totale avec le colonialisme et la société corsetée de son temps, est aussi, on le sait moins, un écrivain et un érudit passionné des cultures orientales et africaines. Parlant plus de 27 langues, c'est lui qui, notamment, bravant la censure, révélera aux Anglais et aussi aux Anglaises les charmes érotiques des Mille et Une Nuits et du Kama Sutra. Aux grandes dames des âmes prudes, notamment celle d'Isabelle, son étonnante épouse. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Jean-Marie Blas de Robles, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et philosophe de formation, archéologue, grand voyageur et écrivain. Votre roman « Là où les tigres sont chez eux » avait reçu le prix Médicis en 2008, on s'en souvient. Alors la liste de vos titres et exploits n'est peut-être pas aussi longue que celle de Richard Burton, mais elle en a quelques faux airs. Et ce n'est sans doute pas un hasard si en 2022, vous avez traduit en français et préfacé le « Livre noir des Mille et Une Nuits » donc de Richard Burton, l'essai qui accompagnait l'édition anglaise des Mille et Une Nuits. Alors, on l'a compris, Richard Burton vous fascine. Absolument, c'est un personnage extravagant au dernier degré, un personnage romanesque que j'aurais aimé inventer pour l'intégrer à mes propres fictions. Ouais. Le personnage me fascine pour plusieurs raisons, parce que c'est à la fois un des plus grands explorateurs qui ait jamais existé, l'égal de Darwin, l'égal de... Oui, vous dites, il fut sans nul doute le grand pionnier de l'anthropologie culturelle, un superbe écrivain et même un géant à ranger aux côtés d'un Darwin, ce n'est pas rien. Oui, et d'un Livingstone, c'est un des cinq plus grands explorateurs anglais qui ait jamais existé. Mais en plus de ses lettres de noblesse, c'était le plus grand arabisant de son temps. Et ça a été un homme de lettres de renom, aussi bien dans son style d'écriture, parce que ses voyages sont merveilleusement écrits et se lisent eux aussi comme des romans, mais aussi par son œuvre de traducteur. Nous y reviendrons tout à l'heure en deuxième partie d'émission, donc sur l'œuvre érudite de Richard Burton. Alors l'histoire que je vais raconter dans un instant commence en 1859, au moment où Burton rentre en Angleterre après son expédition en Afrique à la recherche des sources du Nil. Jean-Marie Blas de Robles, Burton à ce moment-là a déjà 38 ans, donc il a déjà une longue carrière d'aventurier et de casse-cou. Il a toute sa carrière d'aventurier derrière lui, en fait. C'est à partir de cette époque-là qu'il va basculer du côté de l'anthropologie, l'écriture, de la littérature, du moment où il va se servir de son réservoir de souvenirs accumulés pendant ses voyages précédents. Il a commencé jeune, hein. C'est un rebelle dès ses 14 ans. Il fait les 400 coups avec son frère en Italie. Il prend de l'opium, il fréquente les bordels. C'est un colosse qui fait 1m80. Il a un physique étonnant. Hein. Enfin, peut-être que c'est un peu après qu'il va se constituer cette image. Très un méphistophélique. Avec des grandes moustaches noires des moustaches sur les côtés. À la chinoise qui lui pend. Il cultive ce style. Oui, un look un peu effrayant. Mais il est bretteur exceptionnel. Il a d'ailleurs écrit des manuels du sabre, de la baïonnette, etc. Donc c'est un mauvais garçon, dirions-nous, aujourd'hui. Oui, il va à l'université d'Oxford, mais il se fait vite expulser. Il s'engage à 21 ans dans l'armée et il part 7 ans faire la guerre en Afghanistan et en Inde. Il devient un militaire. Il devient militaire et spécialement à cause de ses dons linguistiques, il devient traducteur au sein du régiment du général Napier, qui est à cette époque-là en train de s'emparer du Pakistan, le Pakistan actuel. Et donc il est traducteur officiel du régiment, et pendant son séjour là-bas, continue à apprendre toutes les langues de la région, le farsi, mais aussi le sanskrit, enfin, tout ce qui lui tombe. Il s'intéresse aux cultures des pays où il est, en réalité, contrairement à ce que font la plupart des militaires en place. Et il peut s'y intéresser en profondeur par sa connaissance absolument extraordinaire des langues et la facilité qu'il a à les apprendre. Là, une première tuile, je dirais, lui tombe dans sa carrière. Il y en aura d'autres, oui. Il y en aura d'autres. Mais le général Napier, qui est à cette époque-là dans le petit village de Karachi, Karachi est encore un petit village avec quelques âmes, s'aperçoit que ces militaires reviennent avec des maladies de vénérienne. Certains de ces militaires contactent dans des lupanars qui sont autour de ce village. Donc il charge Burton, qu'il aime beaucoup et qui possède parfaitement la langue, de se déguiser en pakistanais. Donc il se passe du brou de noix sur le corps. Il se métamorphose complètement et il le charge d'enquêter. Et Burton le fait pendant quelques mois. Il rend un rapport absolument terrible sur ces bordels d'enfants, parce que ce sont des enfants qui sont prostitués. Donc il rend un rapport, mais qui restera secret. Absolument, il avait demandé comme condition sine qua non au général de garder ce rapport secret pour ne pas entacher sa réputation. Sa propre réputation. Ce que fait le général. Mais voilà qu'il meurt et que ce rapport est rendu public par le successeur du général. Et ce rapport va donc être la première tuile, comme vous dites, Jean-Marie Blas de Robles, pour Richard Burton, qui va voir sa carrière brisée à cause de ce rapport. Et il va être une sorte de mis à pied, enfin, on peut dire, exactement, pendant trois ans. Personne ne croira, durant toute sa vie d'ailleurs, que pour avoir rendu un rapport aussi précis, il n'est pas payé de sa personne. Voilà le nœud de l'affaire. Lui a toujours assuré que non, il s'était contenté d'observer en sociologue, en ethnologue, en anthropologue. Mais dans la société victorienne de l'époque, c'est absolument inadmissible. Donc sa carrière militaire est brisé. Donc il va partir en Arabie Saoudite, il va partir à la Mecque, je l'ai dit, il réussit à entrer à la Mecque déguisé en pèlerin afghan. Il va aller aussi en Somalie, il réussit à entrer dans la ville sainte d'Harar, pareil, il se déguise. Ça c'est encore plus fort. Ouais. Et il va même dans une bagarre recevoir un coup de javelot dans la joue dont il gardera toujours une cicatrice qui va déformer son visage. Mm-hmm. En 1857, il est envoyé par la Royal Geographical Society de Londres pour partir à la recherche des sources du Nil, donc en Afrique de l'Est, avec John Speke, une expédition terrifiante pendant 2 ans. Et Burton, malgré tout, va découvrir, lors de cette expédition, le lac Tanganyika. Mais Speke, lui, va découvrir le lac Nyanza, qui est, semble-t-il, plutôt les sources du Nil. Enfin, moi, c'est ce qu'on pense à ce moment-là. Le lac Victoria aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Et les deux hommes vont se brouiller à vie. Et c'est à ce moment-là que commence l'histoire que je vais raconter maintenant. Jean-Marie Blas de Robles, je propose qu'on poursuive cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1883, avec Richard Burton, l'Angleterre victorienne découvre le Kama Sutra, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. Aden, le 28 mars 1859. Dieu soit loué, me voilà enfin débarrassé de Speke. Quant à moi, j'ai bien l'intention de rentrer en Angleterre le plus vite possible. Sans cette maudite fièvre qui me colle à la peau, j'aurais déjà embarqué. Le médecin m'a mis en garde contre les tracasseries que Speak risque de me faire au retour. Il raconte à qui veut l'entendre que je suis le diable en personne, un pervers qui est allé risquer sa peau en Afrique uniquement pour satisfaire ses penchants sexuels déviants. L'imbécile. En 2 ans d'expédition, il n'a donc rien compris. Là où il n'a vu que des sauvages à moitié nus, j'ai découvert un peuple aux mœurs bien plus avancées que les nôtres. Mon Dieu, s'il y a un pays où je ne me suis jamais senti chez moi, c'est bien l'Angleterre. Je hais mon pays à la folie. Les fonctionnaires anglais, les préjugés anglais, la raideur anglaise, la bêtise anglaise, la décence anglaise, toutes ces conventions qui nous emmurent vivants. Sauf que moi, je ne suis pas prêt de me laisser enfermer. Le 15 avril 1859, Richard Burton embarque pour l'Angleterre, épuisé et amer. Les 2 années passées à explorer l'Afrique australe en compagnie de son compatriote John Speke se sont terminées par un fiasco. Speke, prude et austère, a été choqué par le tempérament flamboyant de Burton. Surtout, si Burton a découvert le lac Tanganyika, c'est John Speke qui a découvert le lac Victoria, qu'il pressent être la source du Nil. Le 9 mai 1859, Speke se présente devant la Royal Geographic Society et s'attribue le seul mérite de la découverte des sources du Nil. Commencent alors 5 années de controverses, durant lesquelles Speke multiplie les attaques contre Burton. En 1864, a lieu dans la ville de Bath un débat public entre les 2 hommes qui a pour arbitre un grand nom de l'exploration, David Livingstone. Richard Burton s'y rend avec son épouse, la très catholique Isabelle. Il ne se doute pas qu'il ne va pas devoir défendre ses découvertes géographiques, mais sa moralité. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a une demi-heure de retard. Ah, le ruffian est moins à l'aise pour parler en public que pour tirer à la carabine. Bon, Richard, je t'en prie, ne commence pas. Il paraît qu'il a dit, si Burton me provoque, je le jette du haut de l'estrade. Eh bien qu'il essaye. Voilà qui réglerait la question plus rapidement qu'un débat devant ces messieurs de la Royal Geographic Society, qui n'ont jamais exploré que leur bureau. Richard, ne leur manque pas de respect, tu entends ? On dit que Livingstone est de ton côté et qu'il tient Speke pour un médiocre géographe. Naturellement, comme tout homme sensé. Je respecte beaucoup David Livingstone. C'est le seul Anglais à avoir parcouru l'Afrique de long en large et à être revenu vivant. Avec toutefois une épaule en moins qu'un lion lui a arrachée. Dommage qu'il soit aussi cul-béni. Ne blasphème pas, Richard. Ce débat est une chance unique. Tu vas enfin pouvoir laver ta réputation. Tu as raison. Je vais enfin pouvoir dire que j'ai fait bien pire que ce qu'on raconte. Ah, Speke est là. Dis donc, il a pris un sacré coup de vieux. Messieurs, nous allons enfin pouvoir commencer. Conformément au tirage au sort, la parole revient en premier à John Speke. Monsieur Speke, qu'avez-vous à dire au sujet du différend qui vous oppose à Richard Burton ? Messieurs, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour témoigner du fait que Richard Burton non seulement n'a pas découvert les sources du Nil en 1859, mais qu'il a gravement failli, au cours de notre mission, à ses devoirs de citoyen britannique. Pouvez-vous préciser ? Eh bien, au cours de nos 2 années d'expédition, Richard Burton s'est rendu coupable des crimes suivants. Meurtre, homosexualité, mutilation, je n'ai pas fini, polygamie, et pour finir, viol. J'ai été le témoin direct et épouvanté de ces actes. Je le jure devant Dieu, j'ai essayé de toutes mes forces de l'en empêcher, mais c'était littéralement impossible. On aurait dit que M. Burton était aux prises avec un démon qui s'était emparé de lui. Messieurs, s'il vous plaît, silence. Silence, s'il vous plaît. Monsieur Burton, ce sont là de graves accusations. En tant qu'explorateur missionné par notre reine, notre mission est double. Il ne nous appartient pas seulement de documenter nos découvertes géographiques, mais aussi de répandre la parole de Dieu auprès des indigènes. Car seul le christianisme est en mesure de leur apporter l'instruction nécessaire et de développer leur sens moral. Richard Burton, je vous le demande solennellement. Avez-vous commis quelque crime que ce soit sur les populations d'Afrique ? Docteur Livingstone, je suis fier de pouvoir affirmer que j'ai commis tous les péchés du décalogue. Néanmoins, c'était dans mes vies antérieures et non pas en Afrique. Peut-être est-ce dû à la présence de mon compatriote, dont la seule compagnie suffit à vous faire passer toute envie libidineuse. Non, mon seul crime a été d'être le premier à m'intéresser à ceux qu'on désigne par le terme de sauvages, et qui pourtant sont bien plus civilisés que nous. Un roi nègre lui a offert deux de ses filles pour épouse, et il a accepté. Un refus eût été contraire aux lois de l'hospitalité, cher Speke. Vous ne respectez rien, vous insultez la noble félicité domestique de nos foyers anglais. Les sauvages ont au moins ce privilège de pouvoir choisir leurs épouses, alors qu'un anglais se retrouve fréquemment à vivre avec sa femme et sa belle-mère, sans pouvoir toucher ni l'une ni l'autre. Silence ! Silence ! Messieurs, j'ai apporté ici un document qui prouve le degré de dépravation de cet homme. C'est un rapport qu'il a mené pour le compte de l'armée coloniale des Indes. À Karachi, il s'est rendu dans un bordel pour pédérastes. Mon cher Speke, expliquez-moi comment j'aurais pu fournir à la couronne un rapport aussi complet sur les pratiques de ces officiers sans en faire moi-même l'expérience. Messieurs, s'il vous plaît, je crois que nous dévions de notre sujet. Après tout, nous sommes ici pour parler des sources du Nil, pas des mœurs de Richard Burton. J'ai mené seul l'expédition à bon port, pendant qu'il se vautrait dans le péché avec des négresses. Speke, vous êtes hors-jeu. En 2 ans, votre seul acte de bravoure a été de tirer à bout portant sur un hippopotame qui dormait. Vous n'avez jamais daigné apprendre à vous servir d'un compas, au point que toutes vos mesures sont fausses. Vous m'avez abandonné à moitié mort pour courir à Londres m'évincer. Je peux vous garantir que le moindre sauvage se serait comporté plus dignement que le gentleman que vous prétendez être. Messieurs, l'histoire dira qui, de Speke ou de moi, a découvert la source du Nil. Mais je dois vous dire la vérité. J'admets qu'il existe un continent qui me fascine plus que tous les autres, et depuis toujours. C'est l'être humain. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne cesserai de l'arpenter jusqu'à ce qu'il me livre tous ses secrets. Et la pierre angulaire de son être me semble résider dans ce qui, chez nous, relève d'un tabou absurde. Je parle de la sexualité. J'en ai assez entendu. Je m'en vais. Le débat de Bath se termine en tragédie. L'après-midi même, au cours d'une partie de chasse, John Speke retourne son arme contre lui, sans qu'on sache s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Effondré, Burton décide de mettre fin à sa carrière d'explorateur. 9 ans plus tard, la recherche des sources du Nil coûtera la vie à Livingstone. Isabelle persuade alors son mari de mener avec elle l'existence rangée dont elle rêve. Burton embrasse une carrière diplomatique et accepte un poste de consul au Brésil, puis en Syrie. En 1872, il se lance dans un projet secret avec son ami Forster Arbuthnot, un fonctionnaire colonial qui partage la même passion que lui pour les sujets sulfureux. Le 12 novembre 1872, il profite d'un passage à Londres pour lire un manuscrit que celui-ci lui a fait porter. Ainsi donc, vous qui lirez ce livre, écrit par le poète Kalyanamala, apprendrez que la femme est un instrument ô combien délicat, mais qui sait, lorsqu'on en joue artistiquement, produire les harmonies les plus exquises et prodiguer les plaisirs les plus divins. En diversifiant les plaisirs de son épouse, c'est pas très clair ça, l'époux peut lui rester fidèle car elle sera alors 32 femmes différentes, ce qui rend impossible la lassitude. Bon, voyons le chapitre sur la femme lotus. La femme lotus. Son sein est ferme, plein, orgueilleux. Ses yeux ont la splendeur des courbes graciles du fan. Son yoni ressemble au bouton de lotus qui éclot, Et sa Kama Salila, en hindi, ça veut dire l'eau de la vie. Son eau de vie. Son eau de vie a le parfum du muguet qui vient de s'épanouir. Ça, c'est bien. Kalida. Richard, je m'en vais. Je dois aller au dispensaire de Sereille. Une épidémie de choléra s'est déclarée. Nous devons baptiser les malades. Ah ben voilà un remède qui devrait les remettre sur pied. J'aurais dû y penser en Afrique quand mes porteurs tombaient de la malaria comme des mouches. Arrête, veux-tu ? Avoir ce bataillon de femmes de la bonne société qui passent leur temps au chevet des mourants, je ne peux m'empêcher de penser qu'elles y trouvent une compensation aux pulsions qu'elles se refusent à satisfaire par les moyens ordinaires. Ah, décidément, c'est une obsession. Qu'est-ce que tu lis ? C'est une traduction d'un manuscrit hindou que m'a envoyé ce bon vieux Arbuthnot. Pas besoin de me dire le sujet. Je suppose qu'il va aller rejoindre ta bibliothèque interdite. Mais elle n'a rien d'interdit, ma chère. Au contraire, je songe sérieusement à l'ouvrir au public. Toute femme anglaise ferait bien d'y faire un tour avant sa nuit de noces. Je sais. Bon, j'y vais. Il faut bien que quelqu'un constitue un temple de la sagesse amoureuse de l'Orient. J'ai toujours pensé que le monde ne s'en porterait que mieux. Eh bien, je suis en train de changer d'avis. C'est vrai ? Tu t'es enfin décidé à brûler ces livres obscènes ? Pas vraiment. En fait, je me suis mis dans l'idée que le monde se portera encore mieux si ces textes sont publiés. Non mais Richard, tu as perdu la tête ? Et ta réputation ? Déjà que tu n'es pas vraiment dans les bonnes grâces du Foreign Office. Te rappelles-tu que j'ai dû supplier pour que tu aies ton poste à Damas ? Et je te prie de ne jamais recommencer. Quelle humiliation ! La pieuse épouse qui vole au secours de son renégat de mari. Mais sache que, malgré tes bons services, le Foreign Office me déteste toujours autant, Isabelle. Alors, perdu pour perdu, sache que je vais publier la Nangaranga. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un manuel érotique hindou du XVe siècle, dont il n'existe aucune traduction anglaise. Avec Arbuthnot, nous sommes en train de combler cette lacune. Richard, si tu veux absolument parler de ces choses, pourquoi tu ne continues pas de publier tes récits de voyage ? Ils ont été plutôt bien accueillis, ils t'ont valu l'estime des lecteurs. Mes livres sont tolérés parce qu'on les considère comme des traités ethnologiques sur les mœurs des sauvages. Sacrés Anglais, ils tolèrent la paillardise quand elle les divertit, comme chez Rabelais. En revanche, ils tiennent Flaubert pour un pornographe, pour avoir osé parler des femmes d'aujourd'hui. Je sais. Toutes mes amies ont reçu l'interdiction de leur mari de lire des romans français. Je te rassure, ça ne les empêche pas de les dévorer en secret, quand leur mari ronfle à côté d'elles. Tes amies, comme toutes les Anglaises bien élevées, vivent dans des fantasmes de copulation imaginaire. Contrairement aux femmes primitives, elles sont incapables de trouver dans leur corps un quelconque soulagement. Aussi se reportent-elles sur la religion, la frigidité ou les romans érotiques qu'elles se passent sous le manteau. C'est donc plus fort que toi. Quand comprendras-tu que l'être humain n'est pas fait que de bas instincts, mais qu'il est aussi animé de nobles sentiments ? Isabelle, crois-moi, il n'y a rien de plus noble que le corps et l'art amoureux. Les tribus les plus barbares d'Afrique ou d'Inde instruisent les filles et les garçons dans la théorie et la pratique de l'acte sexuel. Et nous, les soi-disant peuples civilisés, que faisons-nous ? Nous laissons les jeunes filles dans une ignorance monstrueuse jusqu'à la nuit de noces où leur seigneur et maître fond sur elles comme un vautour. Tu exagères. J'ai eu un entretien avec ma mère juste avant notre mariage. Et cette sainte femme t'a dit de laisser ton mari faire ce qu'il voudra, pas vrai ? Écoute plutôt ce que je suis en train de lire. L'époux devra attendre au moins une dizaine de jours après le mariage avant d'approcher sa bien-aimée. Il devra faire preuve d'humilité et de patience envers elle, car aussi pudique que soit une femme, jamais elle ne méprisera l'homme qui s'agenouille à ses pieds. Et ça, ça a été écrit il y a 4 siècles. Tu te rends compte ? Parfois, il est bon aussi de ne pas savoir, de conserver une part de rêve, de pureté. Mais à quel prix, Isabelle ? L'ignorance ne mène qu'à la désillusion. Comprends-moi, je ne veux pas publier ce texte pour le seul plaisir de choquer. Au contraire, je suis convaincu de faire œuvre d'utilité publique. Oh, Richard, je te connais suffisamment pour savoir que je n'arriverai pas à te faire changer d'avis. Mais promets-moi juste de ne pas publier ce livre sous ton nom. Rassure-toi, si déjà Arbuthnot et moi nous arrivions à le faire publier, cela tiendra du miracle. Richard Burton est conscient des risques qu'il prend. Dans cette seconde partie du règne de Victoria, la censure morale et la répression atteignent un sommet. Pour prévenir les ennuis judiciaires, Burton et Arbuthnot décident de faire éditer le livre à compte d'auteur en signant de leurs initiales. Mais s'ils sont décidés à braver les foudres de la censure, l'imprimeur, lui, ne l'est pas. Après avoir imprimé quelques exemplaires, il refuse d'aller plus loin. Mais Burton ne s'avoue pas vaincu. Au contraire, il décide de s'attaquer à la traduction d'un ouvrage érotique plus célèbre encore, le Kama Sutra, écrit au 5e siècle par le sage hindou Vatsyayana. En 1882, il se rend en Inde avec Isabelle chez son ami Arbuthnot, dans sa maison de campagne près de Bombay. Voilà nos amis les singes. Alors, quand j'étais avec mon régiment à Bombay, j'en avais adopté une dizaine. Et au bout d'un mois, j'avais rédigé un glossaire de sons qui nous permettait d'avoir des conversations fort agréables. Hein. Eux et moi. Attendez, ça va un bromisage, ça faisait... Oh Richard, quand vas-tu cesser ton numéro? Forceur, pardonnez mon mari. Vous devez être coutumier de ses excentricités. Chère madame, je connais en effet Richard depuis bien longtemps, du temps où nous étions en Inde. Et j'avoue que sans ses excentricités, mon quotidien de modeste fonctionnaire colonial aurait été bien morne. Bon, allez, remettons-nous au travail. Le Valari Vreshita, ou l'enlacement pareil à la plante grimpante qui s'entortille autour d'un arbre, se fait de la façon suivante. Le couple est debout, la femme s'entortille autour de la taille de l'homme, lui passe une jambe autour de sa cuisse et en même temps l'embrasse tendrement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. La femme doit imiter la vigne qui s'entortille autour de l'arbre qui la soutient. Je vais chercher de la citronnade. Cher Richard, j'espère qu'Isabelle n'est pas trop choquée par nos travaux. À vrai dire, Forster, ma femme et moi formons un couple singulier. Elle est aussi bigote que je suis athée et aime se voiler la face à peu près autant que j'aime la vérité. Mais étrangement, nous ne pouvons pas nous passer l'un de l'autre. Elle n'a pas renoncé au fol espoir de me convertir à Jésus-Christ, ni moi à celui de lui faire lire le Kama Sutra. À défaut de vivre l'union charnelle accomplie, vous connaissez les joies d'un mariage solide. Ce n'est pas donné à tout le monde, Burton. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons eu la chance de nous marier par amour, comme disent les Français. Je l'ai connu à 17 ans, puis il l'est littéralement enlevé à sa mère. Allons, encore quelques pages, puis nous ferons une pause pour le dîner. Quoi nous rafraîchir. Monsieur Arbuthnot, je m'interrogeais. Je préfère vous poser la question à vous, puisque Richard se moque toujours de ma naïveté. Pourquoi dans ce livre y a-t-il 64 positions? Ah, vous voulez dire, pourquoi pas plus? Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, je voulais dire, pourquoi vouloir adopter plusieurs positions dès lors qu'une seule suffit à parvenir au but? Eh bien, si vous me permettez, l'orgasme de la femme se réalise de manière totalement différente par rapport à celui de l'homme. Alors que celui-ci parvient à satisfaire son excitation dans le simple acte d'accouplement, la femme tire son plaisir de la conscience qu'elle a du désir de son amant. Pour prolonger cette jouissance, il convient donc de multiplier les types d'union pratiquées, par exemple en s'inspirant du comportement des animaux. Eh bien, les hindous sont décidément des êtres bien étranges. Mais alors pourquoi donc faire ça? Entortillé, debout, dans un jardin, quand le lit conjugal est prévu pour cela? N'en dis pas plus, ma chère, car Forster, qui se fait déjà une idée désastreuse de notre intimité, ne pourra bientôt plus se retenir d'éclater de rire. Allons, avançons encore un peu. Forster, oui, je trouve que notre traduction est trop poétique par moments. Bon, d'accord, il faut garder la langueur orientale du texte, mais il faut aussi lui rajouter un peu de vigueur anglaise, sans oublier cet ingrédient indispensable à tout sujet de Sa Majesté, Une pointe d'humour. Eh oui, Isabelle a raison. Pourquoi diable des êtres sensés iraient-ils se contorsionner sous un arbre? Il faut rendre cela plus plaisant et ne pas hésiter par moments à souligner le côté cocasse de la chose. Sinon, notre bon lecteur anglais va s'endormir. Oui, oui, c'est bon. Et au diable, là, ces métaphores niaises comme... Est-ce que j'ai vu tout à l'heure, là Ah oui, bon. Suc d'amour, mais il faut appeler un chat un chat. Alors je propose tout simplement semence. Semence. Oui, mais il ne faut pas non plus que cela ressemble à un dictionnaire médical. Bon, je pense qu'il vaut mieux conserver les termes hindous de lingam et yoni pour désigner les organes sexuels. Tout le monde comprendra et le texte conservera une touche d'exotisme. Accepté. Bien. Allez, la position du kama vatansa kesha karaana. Durant l'union, le mari et la femme se tiennent réciproquement par les cheveux, tout en s'embrassant frénétiquement sur la bouche. Isabelle, pour l'amour du ciel, arrête de bâiller, mon amour. Pardon. Quelques semaines plus tard, Arbuthnot et Burton arrivent à bout de la traduction du Kama Sutra. Cette fois, ils ont recours à un stratagème pour contourner la censure. Ils fondent une maison d'édition fictive, la Kama Shastra Society of London and Benares, laquelle traite prétendument avec des typographes en Inde. La première édition, diffusée clandestinement à Londres en 1883, connaît un succès foudroyant. Le livre est réimprimé deux fois et en quelques mois compte parmi les livres de langue anglaise les plus reproduits. Ses lecteurs sont essentiellement des femmes de la bonne société. Tous les moyens sont bons pour le lire en cachette. Nombreuses sont celles qui le cachent dans leur prie-dieu ou à l'intérieur de leur livre de messe qu'elles ont fait découper. Le succès du livre est tel que la rumeur parvient aux oreilles de la reine Victoria. Un matin de septembre 1883, Richard Burton est convoqué à Buckingham Palace. Voir la reine en personne. Dire que c'était le rêve de ce malheureux speak. Quand je pense que j'ai risqué ma vie à travers 5 continents pour servir la couronne sans la moindre reconnaissance. Et voilà que j'ai le privilège d'être reçu par Sa Majesté en personne, tout ça pour avoir publié un livre sur l'art de la copulation. C'est bien la preuve, quoi qu'on en dise, que les femmes s'intéressent bien plus au sujet que les hommes. D'ailleurs, il paraît que la reine était assez portée sur la chose avec son défunt mari, puis que le veuvage l'a transformée en austère bigote. Enfin, c'est ce qu'elle laisse croire. Les mauvaises langues racontent qu'elle se rattrape avec son domestique, John Brown, un solide écossais qui ne la quitte pas d'une semelle. À mon âge, j'espère seulement ne pas être jeté en prison pour immoralité. Allons, si elle veut me voir, c'est que tout n'est pas perdu. Qui sait, peut-être espère-t-elle que je lui enseigne une ou deux manières de se satisfaire seule dans son glacial palais de Buckingham. Monsieur Burton, j'ai beaucoup entendu parler de vous il y a quelques années. C'était au moment de cette expédition où votre infortuné compatriote avait baptisé de mon nom le lac, qui est à présent connu comme la source du Nil. C'est là le souvenir le plus exaltant et le plus douloureux de ma vie, Majesté. Ce que j'ignorais, en revanche, c'était vos talents de traducteur. On dit que vous parlez une 20aine de langues ? Précisément 29 langues et 11 dialectes, Majesté. Voilà qui est peu commun. Aussi suis-je étonné qu'un homme de votre qualité, qui a fréquenté nos plus illustres universités, ait fait paraître un livre aussi dégradant. Il ne s'agit que d'un manuel, votre Majesté. Un manuel hindou du 5e siècle qui traite des devoirs respectifs des époux. Considérez-vous la pornographie comme un devoir conjugal ? Majesté, mes années passées à arpenter le monde m'ont conduit à me forger une conviction. La cause essentielle du malheur conjugal réside dans l'insatisfaction sexuelle. Imaginez, si nous parvenons à lutter contre ce fléau, finis ces rancœurs qui empoisonnent les foyers et poussent parfois les conjoints aux pires extrémités jusqu'au meurtre. Ce que prône le Kama Sutra, c'est une société où l'homme et la femme sont à égalité. Et cela doit commencer dès le premier instant où ils se trouvent seul à seul, dans l'intimité. On m'a rapporté le contenu de votre livre. Toute honnête femme ne peut que le refermer avec dégoût. Je crois qu'elle ne le referme pas toujours. Du moins, pas tout de suite. Monsieur Burton, n'oubliez pas que vous vous adressez à votre souveraine. Majesté, pardonnez-moi. C'est qu'il ne s'agit pas de briser l'institution sacrée du mariage, mais au contraire, de la renforcer. Seule la satisfaction mutuelle des conjoints peut les empêcher de trahir leurs engagements. Que de fois j'ai entendu des femmes se lamenter parce qu'elles ignoraient tout de leur propre physiologie. Car si la femme anglaise a des pieds, la décence lui interdit de parler de ses orteils. Elle a des chevilles, mais pas de mollets. Des genoux, mais pas de cuisses. Un estomac, mais pas de ventre. Un buste, mais surtout pas de fesses. Ce n'est plus une femme, c'est un monstre. Un épouvantail à corbeau. Connaissez-vous les travaux du professeur William Acton ? Non, Majesté. Cet éminent praticien, dont les travaux servent de référence, a établi qu'heureusement, la plupart des femmes ne sont guère sujettes à des émois sexuels, quels qu'ils soient. Il met en garde contre les excès conjugaux, susceptibles d'entraîner la tuberculose et de graves cardiopathies. Dans ce cas, je serais curieux de savoir comment il explique un phénomène intrigant. Plus d'une femme comme il faut, lorsqu'elle tombe malade et délire sous l'effet de la fièvre, se répandent en propos qui feraient rougir une fille des bas quartiers et amènent ceux qui l'écoutent à se demander où elle a bien pu apprendre pareil vocabulaire. Monsieur Burton, cela suffit. J'ai appris que les ligues féministes se sont emparées de votre livre et le font circuler. C'est dire s'il fait bien plus de mal au royaume que de bien. Bien, Majesté. Je ferai face à la justice de mon pays. Je demande seulement à Sa Majesté de laisser mon épouse en dehors de cela, car elle n'est pas au courant de la publication du livre. Officiellement, un juge a été chargé d'engager des poursuites contre la Kamachastra Society de Benares. Vous pouvez disposer. Grâce à la localisation fictive de son éditeur, dont la reine n'est pas dupe, le Kama Sutra échappe aux poursuites. Enhardi, Richard Burton se lance un nouveau défi. La première traduction non censurée des Mille et une nuits. Ce récit mythique, déjà traduit au XVIIIe siècle par le français Antoine Galland, regorge en effet de scènes érotiques qui ont été supprimées dans les traductions occidentales. En 1885, paraissent à Londres les Mille et une nuits, toujours à compte d'auteur, mais cette fois à visage découvert. Burton s'attend au pire, mais l'ouvrage échappe à la censure, probablement en raison de son aspect exotique. Le succès du livre fait de Richard Burton la coqueluche du tout Londres. Le 12 octobre 1885, il est l'invité d'honneur d'une réception littéraire à laquelle la bonne société se presse. Tiens, tiens. On dirait que l'assassin, le pédéraste, le cannibale est rentré en grâce auprès de la bonne société anglaise. Il fut un temps où des gentlemen quittaient la pièce quand je faisais mon entrée. Ah ! On dirait bien qu'elle me fait de l'œil, celle-là. L'avantage de ce succès, c'est qu'on va peut-être enfin m'accorder un poste décent. Sans compter que pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose de rentable. Après 47 ans passés à tenter de me distinguer sans un sou, voilà que cette traduction m'a déjà rapporté 16 000 guinées. À présent que je connais l'hypocrisie de l'Angleterre, nous ne manquerons plus jamais d'argent. Richard. Qui est cet homme douteux qui est venu te parler ? Monckton Miles. Il voulait me montrer un livre qu'il possède, soi-disant relié avec la peau d'une jeune fille. Quoi ? Il déplorait que la peau ait été prélevée sur un cadavre, ce qui la rendait un peu rêche. Je lui ai répondu que la prochaine fois que j'irai en Afrique, je me ferai un plaisir de prélever pour lui la peau d'une jeune fille vivante. Quelle horreur ! Il faut bien que je soutienne ma réputation. Ces braves gens boivent comme du petit lait tout ce que je raconte. Tu as vu leur tête quand je leur ai raconté que dans le désert, j'avais coupé un jeune garçon à cheval en deux et que l'autre moitié continuait à pendre de l'autre côté du cheval qui galopait ? Excusez-moi, docteur Burton, I presume ? J'aimerais rester aussi stoïque que Livingstone quand il a rencontré Stanley dans la jungle, mais c'est pas vraiment mon tempérament. Aussi, pardonnez ma curiosité, mais qui êtes-vous ? Havelock Ellis. Je suis médecin et un grand admirateur de votre travail. Oh, merci beaucoup. Vos ouvrages sur la sexualité sont une mine de renseignements pour le praticien que je suis. En ce moment, j'étudie la particularité d'appartenir aux deux sexes à la fois, dont vous avez relevé des spécimens en Afrique. Oui. J'ai publié mes notes sur un hermaphrodite sur le cas d'un enfant du Cap-Vert que les indigènes tenaient pour bisexué. Après examen, il s'est avéré que c'était simplement une petite fille qui présentait une hypertrophie du clitoris. Mais pour avoir simplement rapporté ce constat, les foudres de la bienséance se sont abattues sur moi. C'est navrant. Mais je suis persuadé que la science finira par triompher des préjugés. Vous êtes encore très jeune. Permettez-moi de vous donner un conseil. N'apprenez pas que dans les livres. Abandonnez-vous à toutes les expériences licites et illicites que la vie peut vous offrir. J'en suis encore un peu loin. Je suis encore vierge. Oh, vraiment ? Oui, j'ai une fiancée, Edith, mais elle préfère les femmes. Ah. Elle est écrivain. Tous les deux, nous militons pour l'union libre, la dissociation du sexe et du mariage. Le rêve de toute bonne épouse victorienne, en somme. Madame Burton ? Oh, pardonnez-moi, mais il y a une dame qui souhaite me parler. Le livre de votre mari a changé mon existence. Les Mille et une nuits ? Ah oui, il est fasciné par ce livre depuis toujours. Non, pas celui-là. L'autre. Le Kama Sutra. Oh, je vois. Vous avez de la chance. Vous êtes la seule femme d'Angleterre qui peut le lire sans avoir à se cacher. Je ne l'ai pas lu. Enfin, quelques passages. J'ai enfin compris que ce n'était pas de ma faute si je ne supportais pas quand mon mari... Enfin, vous comprenez. Personne ne m'avait dit qu'il y avait des manières de rendre la chose moins désagréable. Et que certaines femmes peuvent même à force y trouver du plaisir. L'Église est très claire là-dessus. L'acte charnel doit avoir pour but la procréation. Mais est-ce que vous-même... Enfin, il a essayé tout cela avec vous ? Oh, certainement pas. Parfois, je me dis qu'il aurait mieux valu ne jamais lire ça. Enfin, à quoi bon être instruite de toutes ces choses si nos maris ne veulent pas en entendre parler ? Mais c'est un poème ancien. Je pense qu'il faut simplement apprécier le style de l'auteur, comme nous lisons Shakespeare. C'est drôle. Shakespeare ne me fait pas le même effet. Excusez-moi maintenant, je dois rejoindre mon mari. Isabelle ? Oui, oui. Monsieur Ellis est en train de me parler d'une révolution scientifique qui se déroule sur le continent. Oui, je corresponds régulièrement avec le professeur Freud à Vienne. Oh. C'est un jeune médecin extrêmement brillant. Il est très intéressé par mes travaux sur l'auto-érotisme. À votre âge, vous devez commencer à en connaître un rayon. Richard. Savez-vous qu'en France, le professeur Charcot a étudié des femmes hystériques à la Salpêtrière ? Il a établi que la cause de leur maladie était l'insatisfaction sexuelle et a réussi à les guérir par l'hypnose. Bientôt, grâce à la connaissance de la sexualité, nous pourrons soigner l'humanité entière. Si seulement. Je vais vous paraître pessimiste, mais je ne me fais guère d'illusions au sujet de l'humanité. J'ai vu les mille et une manières inventées par l'homme pour tuer, torturer, avilir, faire souffrir, rendre fou, tout ça pour conjurer sa peur. Croyez-moi, l'homme peut guérir de tout, excepté de lui-même. Eh bien, Richard, je suis peut-être un idéaliste, mais je pense qu'avec vos livres, vous avez contribué à rendre le monde meilleur. Et qu'un jour, les hommes et les femmes vivront librement leurs désirs, sans savoir ce qu'ils vous doivent. Dans la foulée, Richard Burton s'attaque au Jardin parfumé, un autre grand texte de la littérature arabe. Il y met le point final le 19 octobre 1890 et meurt le lendemain. À sa mort, Isabelle jettera au feu l'ouvrage, ainsi que tous ses carnets intimes. « Pour le salut de son âme », dira-t-elle. Havelock Ellis fait paraître en 1893 le premier tome de ses études de psychologie sexuelle, un travail de pionnier qui sera salué par Freud. Il est aujourd'hui considéré comme le fondateur de la sexologie. Il faudra attendre 1963 pour que le Kama Sutra soit publié légalement en Angleterre. Parmi toutes les choses décrites, les premières affaires en amour sont celles qui ravivent la passion. Quand un homme mord une femme, elle doit le lui rendre doublement. Si elle est particulièrement excitée, elle peut commencer une dispute amoureuse. Dans ce cas-là, elle doit prendre son compagnon par les cheveux, lui baisser la tête et embrasser sa lèvre inférieure. Puis, ivre d'amour, elle doit le mordre sur divers points du corps, les yeux fermés. Si en plein jour son amant lui fait remarquer les traces qu'elle lui a laissées sur le corps, elle devra sourire en les voyant et lui demander de laisser les mêmes sur le sien. Ainsi, si un homme et une femme respectent les goûts de l'autre, leur amour restera immuable, même s'il devait durer 100 ans. 1883, avec Richard Burton, l'Angleterre victorienne découvre le Kama Sutra de Marjorie Philibert. Avec Richard Burton, Christophe Brault, Isabelle Burton, Valérie Moinet, John Speak, Scali Delpera, David Livingstone, Philippe Dormoy, la reine Victoria, Christine Pignet, Foster Arbuthnot, Jean-Noël Lefebvre, la lady Léonie Pinjot, Havelot Ellis, Thibaut Cutler. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Pierre-Henri et Kevin Delcourt. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, je reprends la discussion sur Richard Burton avec mon invité Jean-Marie Blas de Robles. Lana Del Rey, Say Yes to Heaven sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Audrey Ripouille, assisté de Frédéric Martin. Programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Anne-Laure Cochet. Jean-Marie Blas de Robles, nous avons quitté Richard Burton en 1885 après la publication de ses traductions du Kama Sutra et des Mille et Nuits qui lui apportent enfin reconnaissance et gloire. L'année suivante, il est fait chevalier, ce diable d'homme. Il devient Sir Richard Burton et Madame devient Lady Burton. C'est une consécration qui est longue à venir. Il en a quand même bien avalé des couleuvres. Il en a avalé plus qu'il n'en désirait. Son grand regret, c'était d'avoir manqué sa carrière diplomatique, en fait. Il a toujours rêvé d'avoir une grande carrière d'ambassadeur à Damas, puisque c'était sa langue natale, disait-il, oui. L'arabe. C'est le Foreign Office qui lui a mis des bâtons dans les roues. Et le Foreign Office l'a cassé vraiment jusqu'au bout, même pour sa retraite. Il a dû travailler jusqu'à la fin pour avoir sa retraite. On lui a rien pardonné. Toujours cette histoire de lupanar de Karachi. Toujours cette histoire de lupanar. Et puis, il avait l'art de se faire des ennemis. C'était une grande gueule, dirions-nous, aujourd'hui. Il prenait un certain plaisir à se créer une réputation plus sulfureuse qu'elle n'était réellement. Exactement. On le voit dans la fiction que nous avons entendue. Il prétendait avoir mangé de la chair humaine, avoir fait tous les péchés du décalogue. Il aimait choquer les bourgeoises de la société victorienne qu'il rencontrait dans ses salons qu'il méprisait. Mais c'était quand même dangereux et donc courageux de sa part de braver la censure anglaise. Il y avait quand même ce fameux Obscene Publication Act de 1857 qui était très sévère à l'encontre des livres jugés immoraux. Mais il a pris ses précautions, il n'était pas totalement stupide, et il avait vu ce qui se passait avec d'autres. Et cette histoire de fausse maison d'édition l'a sauvé complètement, parce qu'on ne pouvait absolument pas lui imputer la publication de ses ouvrages. Et quant aux Mille et Une Nuits, qui, elle, était encore plus scandaleuse que le Kama Sutra ou la Nangaranga qu'il a traduit après, ou le Jardin parfumé du cheikh Nevzaoui, qui sont tous des manuels d'érotologie, enfin, moins des manuels d'érotologie que des manuels destinés à préserver le couple, en donnant au plaisir de la femme la même importance qu'au plaisir de l'homme. Oui, il y a vraiment chez Burton l'idée d'une égalité homme-femme, du moins dans le plaisir. Oui, c'est son grand combat. Il parle de sensualité égale à celle de l'homme et de femmes éduquées, qui ont reçu une éducation sexuelle et où la sexualité est portée à des sophistications où on a 36 sortes de planter les ongles dans la peau de l'homme, 36 sortes de caresser avec le dos de la main, avec la main, des pressions de doigts. C'est loin de n'être que du sexe et des positions érotiques de pénétration. C'est vraiment ce que nous considérons aujourd'hui comme des préliminaires. C'est un art de l'amour. C'est un art de l'amour porté à son plus haut point. Là aussi, où Richard Burton, vous me direz si c'est le cas, est moderne, c'est aussi son regard sur la société anglaise, sur sa dénonciation du colonialisme de l'Empire britannique. Il dénonce aussi l'esclavage. Mmh. Ce sont des positions qui sont assez modernes. Et c'est, je pense, que ce qui lui valait la haine du Foreign Office, c'est qu'il a vraiment dénoncé, en particulier dans un grand poème qui n'est toujours pas publié, la Qasida. N'oublions pas qu'il était soufi. Oui. Il avait été initié au soufisme, et il a publié un grand poème à la manière des soufis, sous pseudonyme, où il dénonce point par point tout l'impérialisme anglais, en disant que c'est de la folie de vouloir gouverner, d'abord que l'Angleterre est le plus grand pays musulman du monde à cause de ses possessions, alors qu'il ne sait pas que personne ne parle arabe, pas un militaire ne connaît la réalité des civilisations qu'il prétend gouverner, etc., etc. Il était très violent sur l'inanité du colonialisme anglais et de tout colonialisme en général. En profondeur, il défend l'idée que la société anglaise n'est pas supérieure aux autres, que toutes les cultures se valent finalement. Exactement. Une altérité des peuples. Il met en exergue l'égalité de civilisation des sociétés soi-disant primitives qu'il a découvert ou côtoyé. Il connaît parfaitement l'esclavage pour l'avoir vu à l'œuvre, particulièrement en Arabie et en Afrique, et il dénonce cela aussi violemment, comme il dénonce les traitements infligés aux femmes pour tout ce qui traite l'excision, etc., etc., en disant fermement, et c'est le premier à le dire, mais on ne se rend pas compte du traumatisme psychologique que cela peut infliger aux jeunes filles à qui on inflige ces tortures abominables. Merci beaucoup Jean-Marie Blas de Robles. Je recommande la lecture du livre, Le Livre Noir des Mille et Une Nuits de Richard Burton, que vous avez traduit en français et que vous avez précédé d'une passionnante préface intitulée Toutes les façons d'être homme que connaissent les hommes, un livre publié en 2022 aux éditions du Cherche Midi. Et de vous, on peut lire également votre dernier roman, Ce qu'ici-bas nous sommes, aux éditions Zulma en 2020. Et bien sûr, il faut lire de Richard Burton Le Kama Sutra, disponible en français chez Guy Trédanier à l'éditeur. « Voilà, c'est la fin pour cette semaine d'Autant n'emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons au 19e siècle à la rencontre d'une Anglaise amoureuse et obstinée, Lady Franklin, qui pendant des années va remuer ciel et terre pour tenter de retrouver son mari, Lord Franklin, parti dans une expédition polaire à la recherche du mythique passage du Nord-Ouest entre l'Atlantique et le Pacifique. Lady Franklin à la recherche de l'expédition perdue, c'est samedi prochain à 15h dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.